C'est belle. Tu arrivais à manger 7 bouteilles de verre par Ouais, bah le plus compliqué, c'est pas de les manger, hein, c'est de les faire ressortir. Ah, punaise, ouais. Ouf, j'ai des images en tête que je n'aimerais vraiment pas avoir. Ah, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la gourmandise. Je sais pas si ça se verra, si ça se verra. Si, bien sûr. Il y a beaucoup trop à manger. Non, il n'y a jamais trop à manger. Non, mais je les ai invités chez moi. Quentin est allé dans mon placard et il a tout pris. Tout ouvert. Il faut savoir que j'ai un sixième sens pour détecter tout ce qui se mange chez quelqu'un. Mm-hmm. Donc si vous m'invitez, mettez des couches en plomb, un truc. Là, j'ai plus de mal. Hein. Le plomb, c'est ta faiblesse. Quoi. C'est ma faiblesse. Ouais. C'est, tu vois, Wolverine, il a quoi ? Il a le... C'est quoi ? C'est l'adamantium ? C'est la kryptonite. Wolverine. Ouais, c'est ça. qui a invité ce mec. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Bonne Franquette, le 23e. Déjà. Oui. Est-ce que c'est un bel épisode, le 23 ? J'espère que ça va être un bel épisode quand même. Est-ce que le 23 est un beau chiffre en tout cas ? Pas ouf. Il y avait un film avec Jim Carrey qui s'appelait Le Nombre 23, un truc du genre. Et en gros, il devenait fou à cause de ça parce qu'il le voyait tout le temps. Mais apparemment, le film est pas bien. Pourtant, Jim Carrey est un acteur excellent. C'est vrai. C'est très bon acteur. Mais. Oui. Le 23, je trouve pas ouf. 22, c'est bien parce que c'est le premier numéro qu'a porté Ribéry en équipe de France. Et moi, ça me rappelle de bons souvenirs, voilà. Ah bah. Tu veux dire la langue française ? Des souvenirs liés à l'orthographe. C'est ça, exactement. Ouais. Tout ça, moi, la ça me... La fameuse roue tourne. Hein. Oui, qui continue de tourner. Qui tourne encore. Mais elle tournera toujours. Même d'ailleurs, je vais pas oublier de faire tourner le chrono. C'est vrai. En tout cas, épisode un petit peu plus spécial, puisque cette fois on est posé, on est tranquille, on n'est plus comme ça coincé sur une table. On est vraiment. On est relax. On est zépo, on est relax, en train de manspreader un maximum. Hein, car nous sommes des hommes, vive le manspreading. Nous recevons un invité jeune, beau, talentueux. S'appelle. Alex. Alex, voilà. Alors, est-ce qu'on donne ton vrai nom ? Tu peux le donner. Ouais, bah je te laisse. C'est Alexandre. Voilà. Oh non ouais, oh non spoil, La spoil. La spoil, le bâtard. Ouais. Alors, Alexandre, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et surtout, pourquoi Ribéry ? Pourquoi Ribéry Ah non, attends. Dans l'ordre. Faisons les choses bien. Oui, bah, bien sûr. Alors, moi je m'appelle Alexandre, j'ai 18 ans. Et La jeunesse. Oui, pour vous, c'est jeune quand même, 18 ans. Tu te rappelles quand t'avais 18 ans ? Bah ouais. Et toutes tes dents ? Bah j'ai toujours des dents. Ah, tu les as toujours. Bravo. Oh là là. Beau sourire. Magnifique. Merci. C'est ce que me dit mon dentiste avant de me prendre 46 euros. 46 euros chez le dentiste, ça va. Chez un bon dentiste quand même. Bah ouais, change même limite. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que je me fais avoir. Ouais, quand même. Parce que quand même, le fait qu'il t'ait retiré une dent qui soit juste saine en fait, c'est. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Voir la dent dans la bouche. Ouais. C'est orthodontistement engagé. Ouais. Mon Dieu. Voilà. En tout cas, oui, du coup, qui es-tu, d'où viens-tu et surtout pourquoi Ribéry ? Ce qui m'intéresse le plus hein, dans cette question. J'ai dit qui j'étais, donc c'était Alexandre. Exact, voilà. D'où je viens de Strasbourg. Parce que voilà, Strasbourg, c'est. RPZ. Hein. Représente Strasbourg. RPZ. Toujours dans le cœur. Québec, Strasbourg. J'ai appris l'expression du vocabulaire gangsta, tu veux l'utiliser tout le temps. Bah depuis avant, je dis Fébélec et maintenant il va dire ça tout le temps. Oh, Fébélec, les chips là, un peu là. Bah ouais, Fébélec, parce qu'ils vont se faire dévorer sale. Et ce que je fais sinon dans la vie à côté, je fais de la vidéo. Donc pas mal de reportages, de courts-métrages. Et là, incessamment sous peu avec Mister Quentin, du making-of de clips. Exact. Voilà, il en a déjà réalisé un pour... True Plug sur YouTube, sur le making, sur le clip de Mauvais de Werko. Voilà. Ouais. Donc, vous pouvez aller checker ça sur YouTube. C'est de la très bonne musique. Est-ce que ça fait C'est lourd. C'est ambiance. C'est... Vraiment. En Werko. Soirée, tu poses ça. Franchement, mec, Werko, je pense lourd, qu'on peut le dire aujourd'hui. On est le combien aujourd'hui ? On est le 27, je crois. Ouais. 26. Ça avance. Je suis en avance. Dans le dur vu, toujours. Je crois qu'on peut dire, bien sûr, toujours. Mais quelle année ? On est, pour toi, on est le 27, mais de quelle année ? Ouais, c'est vrai. Bah, 2015, non ? Je crois, mais je suis pas trop sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est sûr. On lui dit pas. Non, parce qu'après, j'ai EPS, moi, donc. Ah oui. Ah. Ok, d'accord. C'est pas ça ? Si. Non, plus sérieusement, j'ai oublié ce que je voulais dire d'ailleurs. De quoi parlait-on? On parlait de Fairbelec avec Fairbe- les chips. On parlait de Werco aussi. Oui, alors je pense qu'on peut clairement le dire aujourd'hui. On sait que c'est un jeune homme qui va percer. Et j'ai envie que ce podcast, cet instant de ce podcast, soit une pierre blanche, un témoignage à son égard. Voilà. Donc on peut dire aujourd'hui, le 26 octobre 2019, à quelle heure? Quelle heure est-il, Vincent? Mais tu veux tout savoir. Il est tu es mon horloge. Merci, horloge parlante. Merci, horloge parlante. C'est une ref. Incroyable. Et là, c'est une ref qui a 5 ans, qu'on a retrouvée il y a près de 2-3 jours. Ouais. Incroyable. En fait, vite fait quand même. Tu m'as expliqué la ref là ? Non, mais en fait, je trouve ça marrant le fait de revenir dans les conversations. Ouais, grave. De très loin avec vos meilleurs potes. Ah ouais. C'est ouf. Quand c'est vraiment évolué, très drôle. Tu retrouves des fois des trucs, mais tu te dis, mais merde, pourquoi j'ai dit ça, quoi? Ou, oh punaise, qu'est-ce qu'on était bêtes. Qu'est-ce qu'on était bêtes. Oh punaise. Bah, Vincent, qu'est-ce qu'on était bêtes. On était très bêtes. Pour rester poli, mais aujourd'hui, c'est pire. Hein, c'est... Ah ouais, non, mais ça partait dans tous les sens. Exact. Dans nos conversations, c'était terrible. Grave. Ouais, c'est terrible. Et du coup, attends, bah, du coup, t'as dit combien? 16h combien? 16h35. Ah bah en plus, c'est bien, je l'ai sur ma montre, donc ça fait plaisir. Oui, donc. Donc toujours la meilleure podcast de l'univers, la bonne franquette décrète que Werco percera un jour, tôt ou tard, on va travailler dur pour. Est-ce que tu as une date à peu près à dire C'est dur. Ou une année peut-être. C'est... Non, je Là on est en 2015, donc vers 2017 ça devrait être. Non, avant 2016, clairement 2016. 2016 ouais, carrément. Non, moins d'un an je pense. Ah, c'est chaud toi. Il a tu es optimiste, mais il faut. Ouais. Faut être dans la non mais en fait, il y a pas de gros rappeurs sur Stras, tu vois, qui ont pété. Il y a Larry, il y a eu Cobra qui a pété difficilement, ça a toujours été un peu compliqué. Un peu complexe. Oh qui a parlé. Ouais, voilà, c'est la pression. Hein. C'est le coca, il est fort. On a eu d'autres personnes des environs, tu vois, C-Boy, Marwa Loud, Matt Pokora et tout. Mais comme il y en a peu, tu vois, comparé à Paris où ils sont quand même beaucoup à faire pas mal de vues, bah là, dès qu'il y en a qui passent 200 000, 300 000 et tout, il se fait repérer direct. Et Werco fait partie de ces gens-là, donc c'est sûr qu'il va péter. Est-ce que Joker est strasbourgeois? Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il l'est, mais je crois pas. Hein. Non, je pense pas. Ah, Joker. Bonne question. Je pense pas. Parce que honnêtement, non, je crois pas. Non, je pense pas. C'est, ouais, c'est ça saurait, tu vois. Ouais. S'il était de Stras, ça se saurait. On en parlerait plus ici. Ouais, je pense. Ouais, non, c'est sûr qu'il est pas de Stras. Mais en tout cas, voilà. Et encore une fois, un petit épisode spécial, puisqu'on est accompagné d'un incroyable homme. On le présente même plus. C'est vrai. On le présente plus. C'est vrai qu'on se présente assez rarement maintenant. Alors qu'avant, se présentait. Qui a très certainement des auréoles. Quant à la partie de Mario Kart de tout à l'heure. Eh, mon Dieu, mais tu sais, les auréoles, tu les as pas que sous les bras. Oh là. T'en as aussi une sur la tête. Oh. Bah, je te l'arrache et je la détruis. Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toussé. Chez. À tes souhaits. C'est le karma. Ouais, exact. J'ai mal avalé la chips. Ah bon hein? T'as quoi? J'ai mal à avaler la chips. Oh là là, c'est passionnant. Alors... Du coup, effectivement, ça va être un épisode un petit peu plus spécial, puisque j'ai un poil de chat dans la bouche, yes. Puisque on n'a pas de thème, voilà, on s'est dit, on va tout changer pour une fois, on va vraiment faire un truc un peu plus cool. Et surtout, pour épisode très spécial, parce qu'on est avec Quentin et Crepon, oui, qui, pour une fois, nous fait l'honneur de sa présence, quoi. Merci. Dans le podcast. Ça je pense que en tant qu'être intellectuellement supérieur, on peut l'applaudir, je pense. Merci, wow. À tous. Merci à tous. On a fait ça en rythme en plus. C'est vrai, c'était. Mais ça, c'est parce qu'on bosse dans la musique en fait. Donc, bah voilà, c'est ça. Donc à un moment, on a la fibre. Ah bah. Et de quoi? Bah oui, je suis chez Orange pour la fibre. Oh là là. Bon, ouais. la fibre de l'humour. Hein, peut-être, ouais, ouais, peut-être. On espère. Hein. Le débit est bien bas quand même. Le débit est bien bas. Là, on est en 56K, c'est sûr. Là. Ouais, du coup, par contre, moi j'avais envie de parler d'un truc qui a pas mal tourné aujourd'hui sur les réseaux, hashtag internet, hashtag modernité, hashtag 2.0, hashtag Instagram, hashtag Twitter plutôt. Oui, ça. Parce que ça a tourné vraiment sur Twitter plus que sur Insta. Mais il y a un gamin qui s'appelle Lil Axe, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, c'est un ricain. Qui fait des stories un peu de thug life malgré son jeune âge, parce que je crois il a même pas 18 ans, je sais non, plus. Non, il est jeune, il doit avoir 12 ans, non? Ouais, il est vraiment jeune et tout, et il fait tout le temps des stories ou des trucs où il dit fuck everyone, machin et tout, fuck the system et tout. Enfin, il est vraiment dans une démarche anti-système et révolutionnaire. tout en fumant. et en parlant de gang, de tout ça. Bien sûr. Bah, les jeunes de nos jours, j'ai envie de vous dire. Car représente. Exact. Et il s'avère qu'il a quand même, je crois, 50 ou 60 000 abonnés, un truc du genre. Et il s'est fait contacter, il s'est fait DM, donc direct message, hein, pour les... Message privé aussi, voilà. Hein, c'est... Pour les quinquagénaires qui nous écoutent. Par Drake en personne et Cardi B en personne. C'est exact. Ouf, quand même. Les deux, c'est incroyable. T'imagines, tu te réveilles et t'as un message de Drake qui te dit « Franchement, fumer, c'est pas un bon délire, frérot. Bah, » À la fois, je pense que tu serais content, jeune. Mais en même temps, je pense que t'aurais le seum derrière. Tu te dirais « Ok, t'as un message de Drake, mais je pense que c'est pas le truc que tu voulais vraiment recevoir de lui. » Quoi, tu vois. Il pourrait me DM pour autre chose. Ouais, c'est ça, exactement. Il m'a remarqué parce que je fumais. Ouais, ça, c'est pas incroyable. C'est pas... Tu peux pas trop te la péter avec tes potes face à ça, tu vois. Ouais, la prise de contact est moyenne. Ça pourrait être un fake. Ça pourrait être un fake. Non, je pense pas. Non. Bah, si l'information a tourné comme ça et tout. Après, est-ce qu'elle a vraiment été revendiquée par Drake et Cardi B, ça ? Je pense pas qu'ils le feront. Parce que c'est. S'ils sont allés jusqu'à le DM de manière privée, c'est pas pour que ça soit rendu public, tu vois. C'est vrai. Ça servira à quoi, surtout aussi, qu'ils affichent ça, en fait ? Oui, bien sûr. Lui, ça lui faisait du buzz, donc il l'a machin. Mmh. Et bref, justement. Là où tous les enfants normaux auraient dit « Oh là là, Drake, trop bien, machin, t'as raison, j'ai pas fumé », lui, il leur a dit « Je vous baise directement ». On t'entend plus, non ? Si, si. Ah, c'est parce que tu manges de manière sans arrêt, en fait. Éhonté, ouais. Éhonté. Éhonté. Oh là là. Ça n'a plus aucun sens, clairement. Quel scandale, c'est scandaleux. Et mais du coup, là où tout le monde aurait été heureux de recevoir un message de Drake, lui a dit d'aller se faire... Bah foutre. Ouais, voilà, bah c'est vraiment... Il arrête de fumer, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais. Et pourtant, Drake a été très paternaliste, mais pas en mode « Tu ne devrais pas faire ça, garçon, machin. Mm. » Il lui a dit « Mec, tu ne devrais pas faire ça, t'es jeune, ça va complètement foutre en l'air ton futur, notamment public, tu vois, parce que l'image, ça va vite, notamment sur les réseaux et tout. Mm. » Et du coup, il a été dans une démarche assez paternaliste, mais bienveillante, tu vois. Ouais. Et le gars lui a dit hey, « Je te baisse tes grands morts, enculé !» Direct, direct, direct. Ensuite, Cardi B est arrivé. Ouais, mais Drake a répondu à ça en disant... Oui, il a dit « Ok, fais ce que tu veux. Au moins, je t'aurais prévenu, j'aurais essayé et tout. » C'est bon, ça. Quand même, les deux envoient un DM, quand même, c'est assez... Et bah, justement, Cardi B lui a dit... Fais des trucs d'enfant, t'as pas l'âge pour ça. Pas l'âge pour ça. C'est ça, ouais. Ensuite, tu lui as dit de nouveau, bah, baisse tes grands morts. Oui. Ce à quoi elle a répondu, What the fuck, man? Il fallait monter direct sur ses grands chevaux. En écrivant en majuscule. Ouais, c'est ça. Et elle a même fini par lui dire, j'espère que je vais plus te voir dans ma ville et tout, dégage de ma ville, machin et tout. Mais quelle violence à travers les réseaux, quand même. Même avec les artistes qui sont à high level, quoi. Bon, après, Cardi B, ça se voit qu'elle est comme ça, tu vois. C'est vrai. Tu regardes ses clips, c'est vrai que c'est assez. Bah, en fait, c'est. Ouais. Ça reste. C'est explicite. Ouais, il y a assez vulgaire, quand même, tu vois. Mais c'est voulu. C'est son personnage et c'est l'image qu'elle veut donner d'elle, donc on peut pas lui en vouloir. Après, en toute franchise, dans le cas de, on parle effectivement souvent de personnages et tout, mais dans le cas de Cardi B, je suis pas sûr que ça soit tellement un personnage. À mon avis, c'est vraiment elle au quotidien, ce côté très très turn up et très impulsif. Oui, parce que la femme en question a l'air très comment dire, pas colérique, mais tu sais, impulsif, tu vois. Il l'a déjà rencontré, il veut pas nous le dire, tu vois. Genre, tu caches. Ouais, Cardi B, tu rigoles ou quoi? Eh ben alors, on va pas se mentir. Hein. Non, t'es un pote, nous cache des choses. C'est bien ce que je pense. Cardi B qui avait fait aussi l'actu récemment parce que elle ne veut que du sexe. Exactement. Avec son petit ami. Ça épuise notre pauvre Offset. Oui. Qui ne peut rien faire d'autre. Il y a eu de nombreux mèmes là-dessus et c'était très drôle. Elle s'est même pris la tête avec des Français sur Twitter. Oui. C'est vrai. C'était trop marrant. Genre, arrêtez de me mentionner les Français comme ça. Et ouais, parce qu'elle fait souvent des stories ou des publications. Enfin, pas plus des tweets que des posts, mais où elle dit clairement qu'elle veut vraiment le pépon. Voilà. Le long chibre bien chaud et d'autres choses qui ne les regardent que d'ailleurs. Mais veineux peut-être. Je sais pas, ça les regarde. Non, ça, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Donc, voilà. C'est pas notre délire pour le moment. Mais ce qui était marrant, tu vois, c'est déjà de voir que ouvertement, déjà, ça fait plaisir de voir des gens qui ont une telle notoriété parler ouvertement de sexe, tu vois, parce que c'est encore un truc très tabou, je trouve. Surtout ici. Malheureusement, surtout en France. C'est incroyable quand même. Et voilà, bon là c'est vraiment l'extrême opposé, tu vois, il y a une différence entre parler de sexe et dire hey, je veux sucer mon mec, ouais, H24, tu vois, c'est vrai. Ce qui est un autre monde. Est-ce que tu penses que ces gens donnent une bonne image à la jeunesse ici en France. Surtout que nous, en parallèle, on a un problème un peu avec ça, si on peut dire ça comme ça. Ouais, parce que voilà, on est une société qui descend genre de tout ce qui est église et tout. Pendant voilà, très longtemps, ça a été attention, pas l'amour, machin, etc. Mm. Et en vrai, ça n'a plus lieu d'exister aujourd'hui, tu vois. Mais heureusement même. Heureusement que les consciences commencent à changer petit à petit, surtout. Mm. Et c'est bien en fait. Parce que tu remontes encore juste quelques années en arrière et c'est ouf ce que les gens pouvaient dire et même penser sur... C'est sûr, bah après il y a encore énormément de problèmes encore maintenant, tu vois. Ouais, bien sûr. La stigmatisation et la victimisation l'oppression, pardon, qui est faite aux femmes et tout, c'est quand même un autre gros problème, tu vois. Mm. Mais après, pour répondre à ta question... Alors, le fait que, par exemple, Seb Lafrite reçoive en public sur Twitter une star du porno qui se déshabille, machin, etc., à la fin de la vidéo, ça peut poser problème dans le sens où c'est public, tu vois, vraiment comme ça, parce qu'il y a des gens de tout âge sur Twitter, tu vois. Est-ce qu'il y a une restriction d'âge sur Twitter? 13 ans, non, je pense. Non. Bah non, parce que... Non, vraiment, je pense pas. Quand j'étais Facebook, je me souviens qu'à l'époque, c'était pour les enfants de 12 ans max, je crois. Ouais, c'est, non, minimum, ans, tu veux dire. Pardon, minimum. Ouais, minimum 12 ans. Genre vraiment le site de Pi, que des enfants. Mais Twitter, dès que tu passes 12 ans, t'as plus le droit d'aller. Je crois Twitter, non, il n'y a pas de restriction d'âge. Et le pire, c'est que tu trouves tout et n'importe quoi dessus, c'est ouf en vrai. C'est vrai. C'est, je crois, le réseau où si tu veux... Bah, rigoler beaucoup avec un bon mème, tu peux, mais même avec tout et n'importe quoi, t'as tout dedans, tout ce qui est sexe, drogue, violence, tout ça, t'as tout dessus en fait. Je me souviens quand il y a eu l'attentat dans la ville en Nouvelle-Zélande, c'était où déjà? C'était Church, ouais. Church, je sais plus quoi. Bah, j'avais vu toute la vidéo en fait, elle était partout le matin sur Twitter et tout. Voilà. Donc sur les autres réseaux, c'était censuré, tu vois. Parce que ce soit sur YouTube ou Facebook, il l'avait censuré, mais Twitter, non. Vite, ouais. Twitter, elle a tourné partout, elle était en top tweet aussi, je crois, en tendance. Enfin, ils avaient parlé de l'attentat. Ouais, c'est ça. Et quand elle est dans la ville était en top tendance, voilà, et du coup, et quand tu regardais lié, dans la rubrique vidéo, bah, t'avais la vidéo qui apparaissait clairement. À fond la caisse. Quoi. Clairement, clairement. Exact. Mais du coup, juste pour répondre à cette question, est-ce que ça donne une mauvaise image? Bah, c'est comme nous, tu vois, je pense que. On dit des gros mots, on parle souvent de trucs. On est cru. Ouais, voilà, mais. Enfin, c'est pas à nous de faire l'éducation de nos enfants. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est un problème un peu d'éducation. Je suis pas les parents de vos gosses, donc c'est pas à moi de voilà. Si en fait, ça tout part de l'éducation, tu vois. Dans cas par exemple de Cardi B avec le sexe et tout, il faut apprendre aux enfants que la pornographie ça existe, que ça fait plaisir, mais que c'est pas du tout représentatif de la réalité. Voilà, et qu'il y a un monde. Ouais. Voilà. Mais comme dit, les parents doivent s'en charger. Et tu penses que l'école aussi en partie s'en charger quand tu rentres dans les premières classes, c'est-à-dire en... non l'école normalement n'a pas à faire ça justement. C'est mais je trouve que ça. Ouais, mais je pense que l'école doit un peu apporter aussi ce ouais, ce partage, tout ce qui est oui bien sûr, bah c'est pour ça que respect des autres, etc., tu vois, parce que c'est quand même un endroit où tu partages le respect des autres, quand même l'acrosport, j'ai envie de dire que ça c'est ça, il y a aucun ça nous des liens l'acrosport. Ah moi je trouve au contraire ça noue des liens qui sont à partir du moment où tu grimpes deux gars pour arriver tout en haut d'une pyramide humaine avec tout le monde, normalement les liens sont présents. Là, moi, c'est ce que je faisais. Mmh. J'étais toujours en haut car j'étais très léger. Même j'étais sur les filles et tout, car très, très léger. Car très, très léger très... ou bourgeois et donc au-dessus du peuple. Hein. Moi, je dénonce là. Hein. Alors, c'est clairement ça. Mon père était maire, tout le monde le savait. Donc, Il me faisait la courte échelle. Le prof se mettait en dessous pour me faire monter et tout. Et il mettait 20 très à Vincent. Bien, 20 et Vincent. Les autres, bon. Moi, les autres, c'est nul. Mais Vincent, Vincent, punaise. Très bien, Vincent. non, c'est assez ouf. Putain, la cross-sport, c'était. Je pense que c'est le truc de PS que j'ai le plus détesté. Ouais. C'était bizarre. Hormis la piscine, car j'étais vraiment grassouillé, très grassouillé, et j'avais vraiment honte de mon corps, donc c'était vraiment très difficile à vivre, tu vois, la piscine. Mm. Mais sinon, le cross, on en a déjà parlé, donc on en parlera pas. Le cross. Mais là, ouais, le cross, là, tu sais, quand tu devais courir. Ah, punaise. On faisait ça avant les vacances, tu sais, c'était fin octobre. Le pire moment. Justement, tu les avais mérité, tes vacances après. Oui. Voilà, c'est ça. Mais il faisait froid, tu vois, tu courais des fois moi, je courais dans les champs, donc c'était dans la boue, les trucs comme ça. Ouais, exactement. Oh, punaise. L'enfer. L'enfer. Non, mais bon. L'acrosport, terrible. Le step aussi, terrible. Je sais pas si alors vous en ça, avez oui. Fait. Ouais. Non, parce que nous, c'était l'option. Si. On avait le choix entre en faire et autre chose. Et franchement, je comprends pas l'intérêt de ça. En fait. Oui, bah à quel moment tu dépenses des calories en fait? Non, en vrai, tu peux. Notamment, tu vois, chez les personnes très obèses, rien que le fait de marcher, ça aide beaucoup, tu vois. Mais en tout cas, faut pas négliger ça. Ce qu'on faisait au lycée. Clairement, au lycée, c'est nul. Vraiment. Bah, mais même, je sais pas si tu regardes les des fois, il y a des programmes de step dans tout ce qui est basic fit, donc les salles de gym et tout. Et franchement, des fois, je passe à côté et ça n'a pas l'air intense du tout, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas si c'est plus une recherche, tu vois, de dépenser un peu d'énergie quand même. Mais je me dis, autant peut-être faire du vélo elliptique, même pas forcément rapide. Je pense que c'est plus faire un truc, mais en même temps, danser un peu, tu vois. Enfin, sur un rythme, ça doit motiver, je pense. Mm-hmm. Mais pour ça, il y a pas mal de choses. Il y a quoi ? Il y a la Zumba aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal, t'as ça, plein de trucs, tu vois. Mm-hmm. Après, il faut choisir aussi un sport qui correspond à la personne, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que tout le monde n'est pas apte à faire de la Zumba ou faire, je sais pas, du water polo ou des trucs comme ça ou de l'aquagym, tu vois. Vraiment, je pense que chaque sport est propre à une personne, tu vois. Tu pourras jamais forcer quelqu'un à faire un sport. Mmh. Par exemple, si toi, t'aimes pas, je sais pas, t'as par exemple le vélo dans l'eau, là. L'aqua-vélo. Qu'est-ce que t'as avec l'eau, toi ? L'aquagym, incroyable. L'aquagym, là, tu fais du vélo dans la flotte, tu vois, et que tu as horreur de ça, j'arriverai jamais à te forcer à en faire, tu vois. Mais par exemple, toi, la muscu, c'est ton truc, tu vois. C'est ton dada. C'est ça. Alors que moi, c'est peut-être pas forcément mon délire. Bah, après, ça dépend aussi de tes objectifs, tu vois. Oui, bien sûr. Mais si par exemple, quelqu'un veut perdre du poids, mais qui ne veut pas faire de muscu, il y a plein d'autres moyens. Ah, bien sûr. Bah, déjà, le poids, c'est avant tout la nutrition plus que le sport, d'ailleurs. Donc, ouais. D'ailleurs, c'est une grosse désinformation à l'heure actuelle. Les gens croient qu'il faut absolument faire du sport pour maigrir et tout. Alors qu'en vrai, si t'as une bonne diète, déjà, tu fonds énormément, en fait. Il n'y a pas besoin de faire un régime ultra de mal, ouais, chelou, c'est clair. Ouais. En plus, c'est même pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est le fait que ça change souvent, tout ce qui est les trucs de nutrition et tout. Par exemple, Alexia, que vous avez déjà vu dans le podcast Indiana Jones et la quête des voyages pas chers, elle fait des études du coup pour être nutritionniste et elle explique souvent que genre une année sur l'autre, t'as un truc qu'ils apprennent et que qui n'est plus du tout valable. Ça peut être l'opposé, tu vois, dans tout ce qui est gestion, absorption des calories. Enfin, je connais pas en détail, tu genre, vois. Est-ce que c'est dangereux de manger beaucoup d'œufs par jour? Manger des œufs? Des œufs. Des œufs, les bières. Manger de la bière. Tu manges de la bière, toi. Je pense que c'est dangereux, notamment à cause du verre, en fait. Ouais, la canette avec, là, c'est chaud, tu vois, mais en soi. Ouais, je pense que c'est dangereux à cause du verre. Non. Ah, ok. Bon bah je vais arrêter, alors j'étais à quand même 7 bouteilles par jour. Ah oui, fait bellec, comme on dit. T'arrivais à manger 7 bouteilles de verre par jour? Ouais, bah le plus compliqué c'est pas de les manger, hein, c'est de les faire ressortir. La punaise, ouais. Ouf, j'ai des images en tête que je n'aimerais vraiment pas avoir. La punaise. Enfin bref, voilà. Ouais. Je vais encore m'étouffer. Qu'est-ce qui se passe depuis le début là? Je sais pas, je m'étouffe en mangeant. J'ai tellement l'habitude de manger. Mais vous avez prévu pour un régiment à nouveau là, les mecs? Non. Normalement, c'est une personne. Hein. Ah bon. Ouais. Et normalement, c'est 5 minutes. De type anormal, la personne. Qu'est-ce que la normalité déjà? Le gars, il juge. Il vient sur notre podcast, il juge. Non, mais attends. C'est scandaleux. J'avoue. Bon, j'arrête le podcast. D'accord. Bon, j'arrête pas. Bon après-midi, messieurs. Regarde-moi ces petites chaussettes en laine là. Uniqlo, ça fait plaisir. Ouais, mais j'avais pas envie de voir ça en fait. Okay, surtout pas sur la table où je mange. Oh, en fait. Ouais. Le rien à foutre total, quoi. Qu'est-ce qu'on est bien. Bah, c'est horrible. Et les abonnés pourront lui dire. Dites-lui en commentaire. J'avoue. Tu es horrible. Si je suis horrible, marqué. Oui. Horrible. Horrible. Horrible personne. Tu crois qu'ils vont le marquer? Et attends, il y avait un youtubeur. Comment il s'appelait? Max Skies, voilà. Bon, quand t'es youtubeur, tu vois, t'es forcé de faire. Ce truc de tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, machin, pour faire des commentaires, donc de la visibilité, du référencement et tout. Et lui, ce qui est la particularité un petit peu angoissante de ce truc, c'est que il parlait souvent d'histoires terribles, tu vois, genre de kidnapping de filles de 6 ans qui se faisaient démembrer, puis rendre à leurs parents en pleine rue, en plein jour, avec les yeux cousus. Tout. Enfin, c'était un truc, des trucs horribles comme ça, tu vois. Oui. C'est chaud. Ouais. Et à la fin de la vidéo, il disait, si vous trouvez ça horrible, mettez en commentaire horrible crime, des trucs comme ça, tu vois. Mais ça marchait au moins ou pas? Bah oui, il y avait beaucoup de commentaires, forcément, tu vois. Bah bien sûr. Mais je me dis, en fait, c'est l'espèce de marketing de l'horreur qui est drôle derrière ça, tu vois. Ouais. Si franchement, le fait que cette femme se soit fait couper en 5 morceaux est horrible, mettez horrible crime. Ça me rappelle, à l'époque, sur Facebook, les... un j'aime égale un soutien pour la malnutrition. Oh là là, ah, enfer, heureusement que c'est terminé, ça. Oh là là, c'est fini, oh là là. C'était pire. Enfin, c'est terminé. Il y a quand même les personnes de plus de 45 ans sur oui, Facebook bah ça, qui c'est des gens, ils ont... peuvent encore partager des trucs comme ça. Hein. Ouais, mais ça fait plus les vues que ça faisait avant et oui, les likes, tu vois. C'est... Oh punaise, ouais, ça. C'est vraiment ce marketing de la pitié, quoi. Attends, tu vas pas liker là ? Mais ça veut dire que t'es contre eux, tu vois. Bah, mais c'est... Cabano, en fait, mais je crois que c'est toi qui m'avais dit que Instagram allait supprimer les likes, je crois. Parce ouais, qu'il y ça avait arrive, beaucoup ça arrive. D'enfants qui... Enfin, d'enfants de gamins, quoi. De jeunes qui... Bien sûr, bah qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas en fait les likes qu'ils pensaient et parce qu'ils pensaient faire plus de likes. Et c'est ouf qu'en fait maintenant on est réduit à ça en fait, à se faire du mal par soi-même parce qu'on n'a pas eu les likes qu'on souhaitait avoir sur sa dernière photo Instagram. C'est ouf quand même les proportions que ça. Bah ça en fait, va, c'est des mécanismes qui sont exacerbés, tu vois, parce que le fait de se comparer avec les gens, c'est naturel, tu vois. Le fait d'être dans une société, tu vas dire, ah oh, putain, la coupe de cheveux qu'il a, elle est grave stylée, ou alors lui, il est chauve, hey, regarde mes cheveux, ils sont trop bien, tu vois. Mmh. Donc forcément, il y a ce truc d'analyse et de ok, je me compare aux autres. Mais là, comme tu peux te comparer potentiellement à la terre entière et à des gens, tu vois clairement que leur vie, elle est soi-disant ultra belle, qu'ils ont des millions d'abonnés, des millions dans leur compte en banque et tout. Toi, tu rentres du collège en tant qu'étudiant, t'as pas de copine, t'as pas d'argent, pourvu que tu sois un peu grassouillé, tu vois, c'est ouais, la pire vie, tu vois, tu te dis putain, j'ai une vie de merde, ouais. Tu vois, et forcément. C'est une vitrine avec les plus belles choses, mais que tu peux pas forcément avoir tout de suite, quoi. C'est en clair, tout cas. Mais c'est clair. Ouais. C'est ce que tu disais avant, tu vois, aussi sur le. Est-ce que tu trouves que ça donne une bonne image ? Ben là, comme je t'avais dit, il faudrait éduquer les enfants, leur dire la pornographie, c'est pas la réalité. Ben là, il faut leur dire aussi Instagram, c'est trop bien, tu vois, c'est très artistique, sympa, c'est voilà, très, mais... c'est très cool. Forcément, tu partages tes bons moments, personne va mettre des photos de ses factures. Tu vois, quoi que ça pourrait être drôle en vrai, genre tu mets genre 5 factures sur la table, tu mets super le courrier des fans, tu vois, ou un truc comme ça pourrait être marrant si c'est bien amené, tu vois, ça peut être marrant. Ah là là, l'URSSAF, l'URSSAF, ça c'est mon gars sûr, hein, mon gars sûr. Ouais. Autre gars sûr, la pause qui arrive tout pile maintenant. Oh, incroyable, le sens du timing. ouais, je sais pas, moi je t'avoue le j'ai pas cet amour pour le coca quand même, mais je en fait vraiment c'est quoi, oui, on était en train de discuter, mais bon là comme on est vraiment à la bonne franquette tranquillement, parlons de ce sujet, parce c'est que vrai. J'étais en train de dire justement à Vincent à une époque le coca pour toi c'était le sang, tu vois, je me souviens, j'ai vraiment des moments précis de toi en train de boire du coca et en train de faire ouais. That's tasty. Mais vraiment d'être heureux, tu vois, genre de boire du coca et de dire ah. Non mais franchement, rien de moins qu'un bon coca. C'est en fait, tu te rends compte que le coca quand t'en bois tous les jours, bon ça devient bon déjà c'est pas bien c'est du pas tout ouf. De faire ça. Ouais c'est vrai. Mais surtout quand t'en bois tous les jours, en fait tu prends l'habitude et c'est plus un plaisir, c'est plus tiens un petit coca quoi. Non mais quand t'es gamin c'est sympa, oui, tu vois, c'est cool. T'as un anniversaire et tout et là t'as. Non mais la meilleure chose c'est que quand tu prends un coca bien frais, ouais. Quand t'avais vraiment très soif et tout qui fait chaud, oh, là c'est gold. S'il y a une tranche de citron dedans et des glaçons, ouais. Là c'est le paradis là. En été comme ça déshydrate, ça fait du bien. Bah, sur justement ça ne déshydrate pas du tout, justement c'est ça le piège des sodas. Moi j'ai toujours eu, moi j'ai toujours trouvé que ça allait, j'avais plus soif. Oui, parce que t'absorbes un liquide qui est frais. Mais je suis sûr que c'est un trick de l'esprit, parce qu'il y a zéro eau là-dedans. Bah quand tu bois par exemple, tu peux pas t'hydrater en boyant. Quand tu bois de l'Oasis ou de l'Ice Tea, ou un truc comme ça. Vous me direz si je me trompe, hein, mais. Tu m'as coupé. Bah on se coupe sans arrêt. C'est vous, je sais. Quand tu bois de l'Oasis ou de l'Ice Tea, t'as aussi encore cette sensation de soif. Après, surtout quand t'en bois beaucoup. Mais ça, c'est l'appel du sucre. Bah oui, mais le Coca, je trouve que. Mais autant. Pas vraiment en fait. Le Coca, je trouve ça va, parce que comme il y a des bulles et tout, c'est pas trop facile. Pardon. C'est pas trop facile à boire. Mais l'Ice Tea. Tu pourrais en boire vraiment. Moi, je pourrais en boire un litre, mais comme ça, quoi. Et sauf que c'est tout aussi sucré que le coca. Oui. Donc, v'là les calories après. V'là les calories. Fais belec les calories. il va te saouler avec ça, moi, je te le dis. Hein. Non. Non, fais belec. D'accord. Mais attends, mais tu l'utilises pour tout et n'importe quoi, là. Oui, fais belec. Faudrait compter combien de fois il dit fait Bélec dans la non, vidéo. Non, vraiment, non, vraiment, non. Mets un compteur, Quentin, sur la vidéo. Tu vois, vraiment pas. Le nombre de il fois. Va comme ça, il va s'amuser à des recherches. Il va coûter toutes fait les fois où il dit Bélec. J'ai hâte que tu fasses ça. Non, je vais vraiment pas le faire. Après, j'aimerais bien que tu mettes un chapeau. 100% je le fais pas. 100% je le fais pas. J'ai J'ai pas mis un t-shirt que j'aime trop. Est-ce que tu peux me changer le t-shirt? Tu sais, tu fais un petit truc en 3D vite fait. Et tu fais un tracking comme ça. Ça, je peux faire. Tu peux me faire ça? C'est tellement simple. Bah oui. Et possible en plus. C'est de la vidéo. Je vois pas. Tout est possible. Moi, avec mon téléphone, je fais des vidéos aussi. C'est assez rapide. C'est, alors, ça peut sembler extrêmement parodique ce qui vient de se passer, mais je vous jure que c'est des choses qu'on entend dans le monde professionnel quand tu te vends en tant que réal et tout. T'as des gens qui disent oui, bah, ça va. Genre, l'autre jour, j'ai eu un mail de quelqu'un avec qui je suis amené à travailler qui m'a dit quand même, ça commence à devenir long pour une simple vidéo. Pardon ? Ah ouais. C'est après bon, là où c'était un problème, c'est qu'effectivement je tenais pas forcément au courant de mon avancement, donc dans tout le process d'organisation d'une entreprise, je peux comprendre que ne pas avoir de nouvelles, ça peut être un peu inquiétant, tu vois. Tu veux dire comme quand ils te donnent des nouvelles des factures que tu leur envoies, quoi. Quelles nouvelles justement? Bah aucune. Voilà, c'est aucune. Ça. Ah non, c'est la pire chose. La vie de freelance, c'est vraiment une vie de c'est particulier. C'est... Enfin, le seul problème que je vois, c'est peut-être tout ce qui est retard de paiement et tout. Parce que déjà, aucun paiement n'est régulier, tu vois. C'est à partir de quand t'envoies ta facture, après à partir de quand c'est pris en compte, ce genre de choses, tu vois. Mais si en plus, l'entreprise avec qui tu bosses a un process de paiement particulier, alors là, c'est terrible. Autant ne pas être payé, tu vois. Parce que tu perds 2 semaines à faire leur truc. Franchement, il y a une facture qui était en attente chez moi de mai. Et c'était un truc de 300 euros. Et à un moment, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vais courir après? C'est tellement chiant. Est-ce que je vais porter mes couilles et passer quand même autant de temps Ouais, je comprends. Parce qu'il faut appeler la bonne personne là-bas, appeler après qu'il te transfère à la compta. La compta, ils sont pas forcément au courant. Alors, c'est trop chiant. Ça fait perdre tellement de temps. Après, c'est... J'ai envie de dire, tu peux pas trop leur jeter la pierre, parce que quand t'es dans des entreprises où il y a je sais pas combien de personnes employées, c'est super dur, tu vois. Mais en même temps, là où c'est ridicule, c'est qu'ils font ce process exprès pour soi-disant fluidifier et rendre toute la facturation plus facile. Et ça la complique fois 20, bah, en fait, donc ça n'a aucun sens. Ouais. Mais bon, après, comme dit, ça se comprend. Plus il y a de monde dans une entreprise, plus l'organisation est difficile à gérer. Donc, en vrai, on en rigole, mais ça doit être encore plus chiant pour eux qui sont dans la boucle tous les jours. Ils sont sur place dans les bureaux. Alors là, c'est... Ah bah oui, il faut qu'ils envoient, ils n'ont pas le temps. Tu vois, il faut vraiment... Ça travaille. C'est clair. Donc bon. C'est clair. C'est le métier, mais... c'est comme ça. C'est... Exact. Je suis là, dans mon petit coin. Il manque une petite couette. Et pourtant, je prends pas beaucoup de place. Hein, Non, mais j'ai pas envie de trop m'étaler, tu vois. Sinon, je pourrais vraiment faire ça. J'ai vraiment cru d'aller mettre les pieds sur la table, vraiment tout déglinguer. Un maximum de détente. Bah écoute, c'est chez moi, donc il aurait très bien pu faire ça. Tu sais, Quentin, c'est le genre de mec, quand il est invité chez quelqu'un, il prend ses aises. Voilà, il prend les chips, il les bouffe comme ça, il y en a partout. C'est totalement faux. N'invitez pas cette personne. Je me le permets ici parce que Vincent, c'est... D'ailleurs, quand tu viens chez moi, c'est chez toi. Et quand je viens chez toi, c'est chez moi. Ouais, après, je fais juste attention à enjamber le linge qui est en train de sécher quand je viens chez toi. Écoute, on n'a pas tous un appartement qui fait 7000 pièces comme toi, ok? Monsieur le riche, milliardaire bourgeois. Après, tu pourrais peut-être juste ranger ton linge. Mais tu veux que faut que je le fasse parce sécher. Parce que à chaque fois que je viens, il est sec en fait. Ah. Bah oui. Parce que t'arrives au moment où il a fini de sécher. Oui. C'est dingue quand même. T'arrives pile au bois là, c'est ça. Mais attends, mais tu sais combien de temps il est déjà. je suis en train de marcher dans son troll, ça m'énerve. Ça m'énerve. Gros con de moi. Alors un peu insupportable. Toi, t'as mis les pieds dedans, tu m'as haï. Vraiment incroyable. Le mec. Donc ton linge traîne par terre, c'est ça? Non, il traîne pas par terre non plus. Si, ouais, je le piétine, j'adore ça. C'est ma serviette de douche partout, tout le temps. D'accord. En veux-tu, en voilà. Ah, c'est spécial, tout ça. Ouais. La finesse. Qu'est-ce qu'on rigole, hein? La collection de chaussures aussi à l'entrée, ça, on n'en parle pas non plus assez. Ah, parce qu'il faut enjamber. Moi, je suis dans le linge qui est en train de sécher et les tonnes. Et n'oublie pas qu'en rentrant dans le salon, après, t'as une multiprise qui pend comme ça et qui barre la route et que tu dois enjamber aussi. C'est Noël avant l'heure chez Quentin. Sachant que c'est mon meilleur pote et que tu pourrais en fait juste te dire, attends, mon meilleur pote, c'est Vincent. quand est-ce qu'il ne va pas se prendre les pieds dans un câble qui est relié à mon ordinateur? Ça va arriver, en tant qu'homme maladroit, mais ça sera ta faute en fait. Bah non. Bah si, bah tu sais que c'est là depuis le début. Donc si mais ça arrive, peut-être, peut-être un câble. Il y a peut-être un problème d'organisation. Ça va, vous tranquillez. Non, mais effectivement, bah tu vois, en tout cas, moi j'ai un système de sécurité à toute épreuve. Personne ne cambriolera jamais. Ah bah là, c'est sûr, si un mec qui rentre, il va l'entendre. Putain. Je me casse. Ça fait 20 minutes qu'il a testé de déverrouiller la serrure. Il a enfin réussi. Il dans le linge, la montagne de chaussures, la multiprise. Il y a quoi d'autre encore tout de suite en coignée, je vais te dire. Bah franchement, il y a moi. Après, il faut qu'il. Il y a. On peut. En venant chez toi, on peut manquer d'écraser un chat à tout instant. Ah oui, c'est vrai. Car il se met sous la couette. Un chat sauvage. Et on ne le voit jamais. Ouais. Surtout que la couette, comme elle est un peu en boule souvent, on ne sait pas qu'il y a quelque chose en dessous. C'est vrai. Ah, il fait pas son lit, t'as vu? Il fait pas son lit. Putain, mais en fait. Bah, ça sert à rien de faire un lit avec un chat qui se cache en dessous toutes les deux secondes et qui du coup le défait en fait. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais crois-moi, tu vas plus faire ton lit. C'est un problème d'éducation. Non, vraiment. Non, pour le coup, c'est les chats, c'est comme ça. Voilà, c'est non, mais ce chat est quand même très très. Comment il s'appelle déjà? Nexi. C'est une chatte d'ailleurs. C'est une fille. Très bien. À la base, qui est sauvage. Et en fait, comme elle a très très peur des êtres humains en général, dès qu'il y a un truc qui la panique, elle est au bout de sa vie. Elle est au bout de sa vie et elle va se cacher direct. Tu vois, elle panique très vite pour tout et n'importe quoi. Sauf avec toi. Non, bah oui, parce que maintenant elle est habituée, tu connais, vois. Voilà. C'est son papa. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait un an. Je l'ai eu en octobre 2017. Ouais, 2017. Donc, ça va, elle est jeune. Elle a 2 ans, ça y est. Ah, bah super. Je lui souhaite un bon anniversaire. Yes. Joyeux anniversaire, Nexi. Ouais. Et elle, quand elle entend ça, elle va se cacher. Voilà, c'est ça. Genre le bruit de la bougie. Le bruit de la bougie. N'a aucun bruit. Elle a quand même peur. Non, mais ouais, elle est tout le temps sous stress. Elle est vraiment trop adorable, la peau. Sous tension. Ouais. C'est trop. C'est des fois, je sors un sachet, tu vois. Et quand tu sors un sachet, tous les chats ils sont un peu en mode ok. Elle, je sors le sachet, elle va sous la couette direct. Ouais. Et des fois, je lui dis non, mais Nexi, arrête, t'abuses pas, qu'est-ce que tu fais là? Et tout. Elle me regarde comme ça avec ses petits yeux terrorisés. C'est trop chaud. Trop chaud. Nexus, oh là là, trop gentil la petite. Mais franchement, j'ai jamais tous les gens qui la gardent ou qui sont en contact avec elle se bonifient, car c'est un chat d'exception. Ah bah, sauf Vincent, parce que lui là, il y a plus rien à en tirer, c'est terminé. Comme le mien d'ailleurs, mon chat qui est aussi d'exception. Ouais. C'est un tigre, c'est pas pour la même chose par contre. Ah c'est d'exception, mais sacrée exception. Bon, il est gentil quand même. Je l'ai vu quand je suis arrivé, il était là, il venait vers moi et on voyait qu'il voulait des caresses, tu vois. Bah, il est bête en fait. Merci, je te remercie. Mais pas toi. Ah, le chat. Oui, mais il était bête de venir vers moi, c'est ça? Non, il est bête tout court. Ça mal se passe entre nous. Non, il est hyper sympa. Il est mignon. Mais disons que il fait des bêtises et il sait qu'il en fait. Faudrait les faire rencontrer les deux. Hein. Ouais, non, on a déjà essayé. Ah ok. Bah, et Nexi était au bout de sa vie comme d'habitude. Bah, voilà, c'est et bah tout vraiment. Il l'a regardé. Ouais. Il était posé, il l'a regardé une femelle parce qu'il était un petit peu plus jeune. Et il avait encore ses coucougnettes. Exact. Ah ouais. Et il a plus ses couilles. Les coronets. Il avait les coronets. Fais belek les co. Ah pardon, c'est qui parle? C'était si l'horloge parlante, c'est ça? D'ailleurs, si l'horloge parlante. Si vous avez quelque chose à dire sur Vincent, à Vincent sur le fait qu'il a fait castrer son chat, il est là. Ouais. Donc, envoyez lui des messages de haine. Vous pouvez me haïr, je comprendrai, car je n'aurais pas envie de me faire couper les couilles. Couper les couilles. ça nous on n'a pas envie. Pourquoi les animaux? Ouais, ah, c'est vrai. Alors après on va partir dans le délire de est-ce que les animaux souffrent, machin, nanan. Bah, avec tout ça. Non, oui, mais en vrai, moi je vois ça comme si par exemple ils sortaient et qu'ils faisaient des bébés, c'est potentiellement des chatons qui viendraient chez toi quand même. Non, qui mourraient en fait. Ah oui, bah ils seraient dans la rue et qui seraient pas bien et voilà. C'est vrai, ouais. Donc voilà, moi je vois plutôt ça comme ça. Ça m'embête, ça m'a vraiment embêté. Je sais pas si tu te souviens, mais j'étais trop mal quand je l'ai emmené chez le véto. Après le fait, t'as tout à fait raison, tu vois, le fait que ça va être des chatons qui vont potentiellement mourir et tout. Mais en fait, la nature en soi, elle a pas de connaissance de bien ou de mal, tu vois. Oui, c'est juste, c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Il y a pas de. Par contre, là sur la souffrance animale, oui, là clairement on peut s'accorder pour dire qu'il y en a une vraie. Il y a beaucoup de problèmes liés à ça. Oui. Et il faudrait, je pense, plus en parler. Tu vois, par exemple, l'autre jour, un truc qui m'a brisé le cœur, mais moi, j'adore Jean Reno, l'acteur français. Yes, très bon acteur. Qui est vraiment très cool, je pense. Notamment parce que j'ai grandi avec le film Wasabi, qui est un petit film sans grande prétention, mais tu vois, ça fait partie des films où, même s'ils sont nuls, parce qu'on a tous vu des films nuls quand on est gamin, tu vois, et vu que t'as grandi avec, bah, c'est devenu un truc un peu cool, nostalgique. Ça fait toujours du bien de le revoir quand t'es plus grand et tout ça. T'as une autre vision de la chose. Et en plus, comme je suis fan du Japon, j'ai regardé Wasabi un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, j'avais une certaine transposition avec Jean Reno, tu vois, le fait de débarquer dans un pays, tout ça, bref. Et du coup, grâce à ça, c'est un acteur qui, pour moi, j'ai grandi avec, et, alors qu'il est beaucoup plus vieux, mais c'est une partie de mon enfance, quoi, en gros. Il est plus vieux que toi. Alors, ça va te surprendre, mais oui, hein. c'est ouf. Ah, hein. Mais t'as on pas... dirait pas. Ouais. On dirait t'as pas 55 ça, ans c'est... Sérieux ? C'est la barbe, frérot, hein, mais je te jure. Ouais. Je vais pas te raser, alors, juste pour... Alors non, parce que sinon, j'ai 6 ans en direct. C'est... Bientôt, c'est le Movember, attention. Ouais, ah, ouais. Mais franchement, cette année, je pense que je le ferai pas. Moi non plus. Je le fais depuis beaucoup de temps maintenant, et je pense que cette année, j'essaye de faire pousser la barbe. C'est l'année du changement, j'ai l'impression. On change tout. Écoute, il faut... On change les dispositions du podcast, on change tout, on change les habitudes. Ah, le changement, tout. C'est maintenant. Bah, c'est plus longtemps. Tu es François Hollande. Non, Macron. Non, le changement, c'est maintenant. C'est François Hollande. Oh punaise. Oh, light, le... J'aimerais faire une imitation de François Hollande. Oui, vas-y. Attention. Hein. C'est abracadabrantesque. Ah ouais, c'est trop François Hollande, pas du tout. C'est oh, punaise. C'est Jacques Chirac. Ah oui. Du coup, c'est... Ouais, c'est... Non, mais je sais plus de quoi on parlait. Des animaux. Les animaux, c'est France Animal. Ouais, et tu vois, bah, justement, Jean Reno, il soutient la corrida. Qui est vraiment un truc absolument ignoble et détestable au possible, en fait. Parce que, bon, je suis tout à fait d'accord si on parle du fait que les traditions sont importantes, mais là, je vois c'est... pas en quoi faire souffrir un animal pendant 2 heures avant de l'achever en lui broyant la cervelle. Mais je vais être honnête, moi j'ai vu une corrida, j'ai déjà assisté à une corrida et c'est très particulier, tu vois. J'étais en Espagne parce que du coup, moi j'ai de la famille en Espagne. Et il y a ce qu'on appelle là-bas le taureau piscine, tu vois. Donc c'est en gros, ils mettent une piscine gonflable et ils mettent un taureau dedans et des gens. Et en gros, dans la piscine ? Ouais, avec le taureau. Et le taureau, il court comme ça dans la piscine. Donc plusieurs fois, il se casse la gueule, etc. Super. Et il doit essayer de foncer bien, dans les gens. Et à un moment, il coupe même des parties du taureau, en fait, de sa tête. C'est qu'à un moment, il avait même coupé son oreille et il faisait passer l'oreille dans le film. Oh là là, quelle horreur. Alors, mais moi, qui t'a emmené voir ça ? Moi, c'était mes parents. Mais alors, on n'est plus jamais retourné. Après, on avait complètement une vision différente. Tu vois, eux, ils mettent des affiches vous, en mode... Pour vous, c'était genre... un gars qui fait voilà c'est ça qui exactement joue avec un taureau, voilà c'est et... ça tu vois ouais, okay. Mais du coup l'idée non faut, hors de question maintenant qu'on y retourne et c'est vrai que c'est ouf quand même parce que c'est une pauvre bête voilà tu elle a rien demandé à personne voilà et tu la mets dans un stade comme ça avec plein de gens qui hurlent donc déjà le stress pour l'animal quoi bien sûr. Et tu lui coupes limite des parties de son corps tu et après bah tu la tues quoi. Mais c'est horrible. Ouais c'est vrai c'est comme les aussi comme ça un truc super connu en Espagne c'est des courses de taureaux. En mode, ils prennent des rues toutes étroites, mais des gens ils courent. Qu'est-ce qu'ils ont avec les taureaux, c'est incroyable. Et les taureaux ils courent à travers les gens. Il faut pas que ah oui, ça je connais, ouais, c'est super connu, mais ça c'est dangereux quoi. Le taureau il te marche dessus. Ça. Mais oui, non, mais alors rien que ça c'est complètement con, tu vois. Il y a quand même des façons plus intéressantes de s'amuser, tu vois. Moi je suis tout à fait d'accord pour prendre des risques, faire des trucs où t'as de l'adrénaline, tu vois. Non mais là c'est complètement con en fait. C'est dans l'abus en fait. C'est juste. On se sert des animaux pour se faire peur et tout ça. C'est stupide. Bien sûr. Mais il y a des mecs, mais il y a des gens qui meurent chaque année. Bah bien fait pour leur gueule. On va quand même pas pleurer des gens qui. Ah bah ça je suis d'accord. Incroyable. C'est quoi ? Ce serait quand même pleinement dingue. Mais comme dit, ouais, les corridas, faut arrêter. C'est. Mais bref, ouais. C'est horrible. Bien sûr, les corridas, c'est horrible. Là, par contre, où ça m'a fait mal, c'est un peu cette... c'est dur, tu vois, c'est... Ouais, tu le voyais un peu comme quelqu'un que tu connais depuis longtemps, quoi. Un peu idéalisé, tu vois, malgré tout, alors que je le connais pas du tout. Ça se trouve, c'est comme quand t'apprends que, je sais pas, que ça soit vrai ou non, toutes ces rumeurs de pédophilie sur Michael Jackson, tu vois. Il y a un avant et un après, forcément, tu vois. Ouais, sûr. Ouais. T'as envie de pas y croire, quoi. Même si toutes les preuves sont là ou pas, t'as pas envie d'y croire. Ouais, enfin, je sais pas si elles sont là, du coup. Genre après, ouais, parce qu'on a pas l'image de ce personnage. Après, ça ouvre des débats de... Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord. Normalement, on est censé arriver à distinguer l'art de l'artiste, tu vois. Exact. Je pense que ce sont deux choses différentes, notamment parce que l'art n'a pas de morale en fait, tu vois, c'est un produit qui a été fait certes par l'artiste en question, mais en soi il est indifférent, enfin il est totalement différent pardon, de l'artiste. C'est plus deux choses qui sont associées, c'est, ça appartient à l'artiste, mais c'est totalement différent. Et même l'artiste et la personne, c'est des choses encore, encore d'autres, tu vois. Mais bref, ouais, du coup, pour Jean Reno, ça m'a fait mal au cœur, tu vois, parce que moi, je suis vraiment totalement anti-corrida, c'est un des pires trucs au monde. Et ça m'a quand même, je me suis dit, ah putain, fait chier. Ça m'a fait chier, tu vois, normal. Ça m'a fait chier toute ma journée, normal. Je me suis dit, ah non, pas lui, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, c'est vraiment, il n'y a que des cons qui peuvent aimer ça, tu vois. La corrida, comme ça, aller à la corrida et trouver que c'est un beau spectacle, je trouve que c'est terrible. Mais tu me diras, nous, les cirques, quand on était enfants, les cirques et tout ça, on voyait aussi des animaux, etc. Il y a plein de choses, une grosse différence. Alors, je compare quelque chose qui n'est pas comparable. Mais je suis d'accord avec toi. Les cirques ne devraient pas avoir d'animaux non plus. Mais maintenant, c'est hors de question que j'aille voir un cirque avec des animaux. Parce qu'il y a eu tellement de preuves et de choses sur la souffrance animale. Encore là, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, une vidéo qui a tourné sur Twitter où c'est un ours comme ça qui fait qui pousse une brouette et après il attaque le dresseur. Mais franchement, moi j'ai aucune peine pour le dresseur, c'est bien fait pour lui. Voilà, c'est ça. On n'est pas censé les animaux, c'est pas des hommes quoi. On peut pas les éduquer comme ça. Ils vivent leur vie, on vit la nôtre et voilà. Faudrait arrêter de se servir d'eux juste pour nous distraire nous en fait. Même les zoos, tu vois. Arrêtons de parler de ce truc parce que voilà, on n'est pas sur un. C'est bien de sensibiliser, mais c'est bon, c'est pas non plus le but du podcast. C'est bien les animaux. De parler de tout ça. C'est bien. Sur la chaîne Animania, c'est ça. Mais voilà, on a des petits chats. Tranquille. Pensez quand même à la souffrance animale. Faites attention. Voilà. C'est une sensibilisation qu'il faut faire vraiment. C'est très important. Surtout qu'aujourd'hui, on a les moyens de diffuser des images, des messages et tout. Donc, il est temps de faire bouger les choses sur certaines pratiques et visions qui n'ont vraiment plus lieu d'être, puisque on est intelligent en fait. Voilà. Exact. Oui, mais pas tous. Enfin, on l'est tous, mais on l'utilise pas de la même façon. Non, franchement, les animaux. Moi, je trouve. Les animaux. Je pensais que tu parlais des hommes. Oui, non, bien sûr. Je change de sujet en fait. Ok, d'accord. J'essaie de le faire d'une manière plus subtile, mais comme tu reviens mille fois sur le sujet, ça va être difficile. Excuse-moi. Je le dis clairement, on change de sujet. Ça marche. Donc, du coup, la corrida animale. Voilà. Non mais vraiment, par contre avec les animaux, un truc que je trouve trop bien en ce moment avec mon chat, ça me fait triper, c'est le fait qu'il s'est pas... De la mettre dans un stade. Mais putain. C'est quoi, je vais faire une corrida avec toi. Qui joue le taureau? C'est mérité. À ton avis. C'est lui, c'est moi qui le... Qui est... Bah je n'accepte pas. Je suis entouré de fous. Non mais vraiment un truc avec les chats qui est trop marrant, c'est que enfin comme beaucoup d'autres animaux qui n'ont pas des doigts ou ce qui pourrait l'appréhension, tu vois. En fait ils ont pas d'articulation au niveau des pattes, tu vois. Oui. Ils ont juste des griffes ou alors ils ont juste une patte, tu vois. Il y a pas de pas d'articulation. C'est bien la patte, je trouve. Merci. L'homme est un animal, ne l'oublions pas. En fait ça me fait trop triper parce que des fois en fait tu sais elle essaye de choper un truc. Sauf que toi, tu sais, t'as juste à faire ça et tu l'as en fait. Et elle peut passer un quart d'heure à choper le truc comme ça et c'est trop ridicule, tu vois. Mais en même temps, elle peut pas faire autrement. Bah oui, la pauvre. Et c'est trop mignon, c'est trop mignon. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Batou, quand il y a un petit truc sur la table ou quoi, il va toujours y aller et genre mettre la patte tout près comme ça. Jusqu'à pousser un peu pour voir, genre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et genre, il le pousse jusqu'à l'extrémité de la table. Et après, il le fait tomber, genre, et il me regarde et il fait, S'il fait ça, en vrai, les animaux, c'est quand même super intelligent. T'as certains animaux qui sont... C'est pas bête. Nous, on voit comme ça, on a l'impression que c'est bête, mais... Je parlerai pas d'intelligence. Ou alors, il faut parler d'intelligence animale et intelligence humaine. Oui, parce qu'ils ont quand même... ils arrivent quand même à faire des choses assez surprenantes. À communiquer et tout. Ouais, mais je sais pas, parce qu'en fait... Ce sera pas pareil, bien sûr, ils ont pas... Une conscience, ils n'ont pas. Si, ils ont une conscience. Ah non, mais ils n'ont pas la conscience de, la pensée, d'exister, tu vois. Ils n'ont pas cette pensée-là. J'avais lu un truc il y a quelques années dans un article par rapport à tout ça qui expliquait que, en fait, ce qui nous différenciait globalement, c'est que les animaux ne sont pas capables de faire abstraction, en fait. C'est-à-dire que l'être humain est capable de dire. La liberté est-elle liée au capitalisme ou inhérente au communisme, tu vois. J'avais vu ça, c'était en cours de philosophie, tu vois, comment distinguer les hommes des animaux. Et il disait ça aussi que, du coup, bah, nous, les animaux, on a la conscience, comme dit, d'exister, mais ce que les animaux n'ont pas, mais que nous, on a, c'est se poser des questions sur nous-mêmes et dire d'où on vient, etc. Les animaux, eux, ce qu'ils font, c'est essayer de survivre. Donc, ils vont bouffer, ils vont faire des trucs, ça, juste pour vivre. Ils vont pas se poser plus de questions. Alors que nous, on est vraiment dans cette réflexion. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que tu vois, par exemple, les chimpanzés qui se souviennent des années après. Quelqu'un, un gardien qui les a élevés parce que leur mère est morte ou je sais pas quoi, qui leur a donné le biberon, etc., qui a joué avec eux, ils s'en souviennent des reste, années ça après. Ça reste une minorité. Tu mets un animal devant, devant une glace, il saura pas se reconnaître. Je suis pas d'accord parce que ça a été prouvé que c'est faux. Enfin, il y a des animaux qui arrivent à se reconnaître dans un miroir. Donc, Ils ont fait l'expérience par exemple avec des singes ou avec des. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'attends vraiment tes sources et des statistiques parce que en toute franchise, j'y crois pas. D'accord. Je pense que les mes cours de philo sur ça. Et je pense que les animaux sont extrêmement sous-estimés et qu'on devrait leur accorder vraiment plus de respect. Je pense vraiment. C'est vrai. Tu vois, ne serait-ce qu'un truc. Il y a un super truc sur Netflix d'ailleurs. Si on peut plug Netflix sur un truc intéressant autre que de la vidéo sponsorisée, que de la fiction, bien sûr, évidemment. Hashtag le chèque, hein, bien sûr. Non, tu te souviens, on l'avait vu, c'était sur l'histoire de la musique. Et du coup, il comparait l'appréhension de la musique pour les animaux et pour les hommes. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des animaux qui arrivaient à percevoir uniquement les percussions, tu vois. Donc des rythmes. Et tu vois, ils bougeaient là-dessus, tu vois. L'être humain, il est capable d'avoir toute une. De percevoir une composition, tu vois. Des arrangements, des mélodies, des gammes, des octaves, des percussions, des trucs vraiment très complexes, tu vois. Mmh. Et certains animaux, ils ont aussi d'autres trucs, tu vois. Et je trouve ça fascinant que dans le règne animal, il y ait des bribes de certaines choses par-ci, par-là, tu vois. Ouais, c'est pareil avec les ultrasons et les infrasons. Ouais, aussi. Bah par exemple les chauves-souris et tout ça qui eux arrivent à percevoir et arrivent à se déplacer avec ça. Voir leur environnement à travers les répercussions sonores. Oui, voilà, c'est ça. Sur un mur, par exemple, elle sait que elle peut pas continuer tout droit, quoi. C'est incroyable. Mm. Genre. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on sous-estime trop les animaux par rapport à ça. Je me souviens d'un autre truc sur Netflix. J'ai pas les refs, ça me fait chier parce que c'est vraiment des trucs de qualité. Je les mettrai en description. Mais non, franchement, peut-être la flemme. Mais tu sais, je sais plus si on l'avait vu ensemble. Non, je crois que je l'avais vu tout seul. C'est ma mère qui m'en avait parlé. Mais en gros, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné ensuite sur les réseaux où en fait, c'est une parade nuptiale d'un oiseau. Ouais. Et genre, il danse de ouf, tu vois. Ouais, c'est notre planète. Notre planète, voilà, c'est ça. Je les ai et t'as vraiment genre dynamique, couleur. Il y a tout ce qu'il faut, voilà, c'est ça. Énergie, rythme. Enfin, il y a vraiment tout un processus qui comprend juste énormément juste de choses. Pour attirer une femelle. Exactement, tu vois. C'est un peu ce que nous on fait, sauf que nous on parle en disant, hé, madame. Non, ça va des nudes. Hé, votre père, il est séismologue ou quoi? Parce que tu m'as brisé le cœur. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Hé, ton père, il travaille chez Nintendo, quoi. Parce que t'as un corps de DS. Oh, oh, sa mère, je suis séduit. Hé, ta mère, elle met du head and shoulders. Parce qu'en fait, elle a des poils partout. Hé. Ouais. Attends, c'est pas pour draguer, ça peut pas marcher du tout. Ah non, ça. Merde. Putain, les trucs comme ça, ta mère est tellement grosse. Oh non, mais alors, ça, t'as la cote quand tu sors ça quand t'es gamin. Quand t'es plus grand, tu. Mais c'est marrant, moi je me souviens quand j'ai découvert ça, je m'amusais à en faire, tu vois. Les trucs style ta mère, elle est tellement grosse que quand elle se pèse, il y a son numéro de téléphone qui s'affiche. Wow, incroyable les trucs. Mais franchement, quand t'es un gamin, c'est démoli, ça te démolit. Tu vois, ta mère est tellement grosse que quand elle se lève le matin, elle tombe des deux côtés du lit. Tu vois. Ouais, non, c'était. Ah, moi j'avais la version quand elle se couche des deux côtés. Ah, moi elle se lève, tu vois. Ok. Comme quoi, ouais, moi j'avais la même que Karik. Ah, tu vois. Ah là là. Sacré maman. Pourquoi les mères et pas les pères, hein? Au final, on a tellement peur des pères ou quoi? C'est plus simple d'insulter les femmes ou quoi? Bah bien sûr. Punaise, c'est incroyable, hein. C'est lié à ce qu'on disait avant, je pense aussi. Eh, ton père, il va me défoncer si je dis quelque chose. Ouais, donc, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, tu sais, c'est la. C'est tellement simple en fait, d'attaquer les femmes. C'est vraiment la mère nourricière, tu vois. C'est-à-dire que c'est elle qui t'a mis au monde, c'est elle qui s'occupe de toi. Donc c'est ça fait du mal. Ouais, c'est vraiment toi. C'est une partie de toi. C'est censé t'attaquer en fait quand tu dis ça. C'est censé te faire du mal. Tu vois. Après, il y a toute l'histoire de c'est ton honneur, ce genre de choses, tu vois. C'est la famille, donc c'est encore d'autres trucs, tu vois. Mais bon, bref. Waouh, on a parlé de beaucoup de choses, hein. Exact. C'est ouf, c'était hein. Un condensé d'informations là. C'est incroyable. C'est intéressant. On a vraiment parlé de. Bon, c'est chiant parce que moi, là, je regarde le timer. Il est 27 minutes 12 là sur la deuxième partie. Donc, on a encore à peu près. On a 2 minutes. Ah. Donc, c'est difficile d'essayer de conclure hein, sur d'autres sujets qui prêteraient. Parler de la souffrance animale. Est-ce qu'on peut parler de la souffrance? Les corridas, alors. Non mais voilà, aimer les animaux. Oui. Voilà. Aimer les animaux comme vous aimeriez être aimé. N'insultez pas les mères. Faites Bellec aussi. Faites grave Bellec. Insultez grave les darons. Quoi ? Non, faut pas prendre la vie trop au sérieux, tu vois. Honnêtement, moi, je prends pas. C'est une insulte, je pense que. Est-ce que j'ai déjà insulté ta daronne ? Bien sûr. Oh, tu rigoles ou quoi ? C'est déjà arrivé. Fais pas genre. Qu'est-ce que tu fais le gendre idéal comme ça ? Non, c'est insupportable. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je suis scandalisé. Au pire, j'ai des fils de ta maman. Et ouais, bien sûr. Cette vidéo va être démonétisée après. Non, mais voilà, je pense qu'il faut pas trop prendre la vie au sérieux. Tu vois. Faut quand même délirer un peu. Faut être sérieux dans le taf, je pense. Ouais. Et après, voilà. Avec tes potes, ça, tu t'amuses et tu délires. Et en fait, donc, c'est ça que moi, je propose qu'on insulte. Non, on insulte les abonnés. On niquez vos grands-mères. Non. Je propose qu'on insulte la mère de Vincent en live. Non, Vincent, une insulte incongrue qui n'est pas si méchante que ça. Saltimbanque. Oh, stylé. C'est pas mal. C'est genre bouffon, mais bien sorti, tu vois. Honnêtement, j'en ai vraiment pas. Un truc vraiment comme ça, gentil, qui. Sacripant. Ouais, sacré-chenapant. Sacripant ou sacripant Sacripant. C'est chenipant. Chenipant. Le Pokémon. Sale chenapant. Chenapant. Oh, ouais. Chenapant, c'est bien. Et toi ? Nom d'une pipe à roulette. Pipe à roulette. Pipe à roulette. C'est pas nom d'une pipe en bois, c'est nom d'une pipe à roulette. Moi, il y a un truc récemment, Vincent, il m'a raconté que son père, pour appeler ses Nike, il appelait ça des écrases-merdes. Et ça me fume, et je propose qu'on termine là-dessus. Les écrases-merdes. Sur les écrases-merdes. Sur les écrases-merdes. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, on va pas faire de trucs. Oh là là, dites des insultes en commentaire. En vrai, ça peut être marrant. Si vous avez des insultes, mettez-les en commentaire. Ouais. Ça serait lourd. Sinon, commentez ce que vous voulez, ça fait plaisir. Mais oui. N'oubliez pas de liker, partager, c'est aussi très important. Donner de la force. Bien sûr. Pour les prochains épisodes. Bien sûr. C'est fort. C'est cool. On est ensemble, les frérots. On est ensemble. Faites Bellec. Est-ce que on est le sang, je pense. On est le sang. Bon, faut arrêter vite parce que ça va tomber. Faites Bellec. Prenez soin de vous. Faites Bellec, c'est le plus important. Faites Bellec, les gens. Et à la prochaine.